je suis Claude Dargent, je suis professeur à Paris 8 et chercheur au CRESPA. Et ce qui m'amène ici, c'est que nous avons, avec Yannick Ferre et Raphaël Liogier, dirigé un ouvrage, que je vais faire circuler, « Science et religion », qui est paru il y a quelques mois aux éditions du CNRS et qui est un peu un produit de circonstance, je dirais. Yannick dira ce qu'il en pense à son avis, mais on est responsable du réseau sociologie et religion de l'Association française de sociologie, et donc au congrès de Nantes, tout ça a pris un peu de temps, au congrès de Nantes, on avait eu cette thématique, science et religion, et il nous a paru que les contributions qui avaient été présentées justifiait une suite éditoriale à cette affaire, et donc c'est le livre que je vais vous présenter aujourd'hui en essayant de mettre un peu tout ça en perspective, et je pense en tous les cas au début un peu en prolongement de ce qui vient d'être dit et ce que j'ai pu en entendre. En préparant ce petit exposé, je pensais au titre du dossier de Politics qui a déjà 30 ans, les liaisons dangereuses. Histoire, sociologie, sciences politiques, sous la direction de Sylvain Bourmeau, Dominique Cardon, Annick Olavad et Jean-Philippe Hurtin. Et ce dossier s'intéressait, ça nous paraît plus banal aujourd'hui, au lien entre histoire, sociologie, sciences politiques. Au bout du compte, quand on reprend ce livre, enfin cette livraison de revue, les liaisons ne paraissent pas si dangereuses que ça. Les liaisons ne paraissent pas si dangereuses que ça, et au contraire, elles paraissent plutôt fécondes, même si, ici ou là, il y a des conflits de territoire et des choses bien connues et des intérêts disciplinaires. Mais le bilan était plutôt, si j'ose dire, positif de cette entreprise, et heureusement, compte tenu depuis de la récurrence de l'injonction interdisciplinaire qui s'est développée dans l'enseignement supérieur et la recherche. Mais j'ai pensé à ce titre par rapport à ce qui a constitué l'objet de cet ouvrage, à savoir les relations entre science et singulièrement la sociologie, à laquelle nous avons évidemment conféré une place, mais pas exclusive, entre science et religion. Et me semble-t-il, le titre du roman épistolaire de Coelho de la Clos me semble être utilisable ici avec plus de profit, parce qu'il y a des vrais dangers et une vraie fécondité aussi à ces confrontations. Je vais organiser l'exposé en deux temps. Un premier temps où je vais plutôt regarder la question de la spécificité de l'étude de l'objet religieux, de l'objet des religions en sociologie, pour prendre la suite de ce que je viens d'entendre. Et dans un deuxième temps, davantage sur les rapports globaux entre sciences et religion, tels qu'ils sont illustrés dans beaucoup des contributions rassemblées dans l'ouvrage. Alors, c'est amusant, moi aussi j'avais pensé commencer par l'article de Pierre Bourdieu sur sociologue de la croyance et croyance des sociologues. Donc décidément, il y a des références qui s'imposent à nous, et même plus précisément à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, à savoir le fait qu'il souligne que non seulement les sociologues de la religion sont souvent même croyants, mais qu'ils sont spécialistes de la religion ou de la confession religieuse qui est la leur. Et effectivement, ça interroge. J'ai pris la citation, le double jeu qui menace spécialement les spécialistes des grandes religions universelles, catholiques qui étudient le catholicisme, protestants le protestantisme, juifs le judaïsme. On n'a pas remarqué la rareté des études croisées, catholiques étudiant le judaïsme et inversement, ou bien des études comparatives. Il ferme la parenthèse. En ce cas, le danger est grand de produire une sorte de science édifiante, vouée à servir de fondement à une religiosité savante, permettant de cumuler les profits de la lucidité scientifique et les profits de la fidélité religieuse. En tous les cas, la période où il écrit, c'est tout à fait flagrant. En France, en tous les cas, parce que là aussi, il faut aussi faire un certain nombre de restrictions, les sociologues des religions prennent comme objet leur propre religion. Les sociologues du catholicisme viennent souvent du catholicisme, et parfois ils en sont soit clairs en exercice, soit l'ont quitté, mais ils l'ont été. On a quand même beaucoup vécu sur la carte de la France religieuse des chanoines Boulard, jusqu'à des dates relativement récentes où les techniques quantitatives permettaient enfin d'actualiser cette description de la répartition de la distribution des catholiques en France. Et c'est peut-être encore plus flagrant sur les spécialistes du protestantisme ou du judaïsme. Moi, j'ai un exemple personnel. Quand j'ai consacré une thèse dans les années 80 au comportement politique et sociaux des protestants français, et que j'allais voir des collègues chercheurs, immédiatement, s'ils étaient protestants, c'était toujours le cas, est-ce que vous êtes protestant ? Ça, parce que c'était d'une certaine façon logique, cohérent, c'est comme ça que ça marchait, c'est comme ça que ça fonctionnait. Il se trouve que pas. Il se trouve que, en l'occurrence, ce qui m'avait ému dans cette affaire, ben, c'était... En tous les cas, c'est la façon dont j'expliquais les choses. Il y a une part de vérité. C'était un intérêt scientifique à partir du moment où, en 77, était paru « Classe, religion et comportement politique ». On savait beaucoup de choses sur les relations entre catholicisme et comportement électoral et attitude politique en France. Et il me semblait intéressant de regarder ce qu'il en était du protestantisme, dans la mesure où le protestantisme partage un certain nombre de fonds doctrinales avec le catholicisme tout en étant distinct, et que depuis André Siegfried et son tableau politique de la France de l'Ouest, on ne savait plus trop comment avait évolué le comportement électoral des protestants. Donc en tous les cas, moi, c'est la façon dont je présentais les choses. Alors probablement, mais j'irai pas plus loin, il n'y a pas que ça. Bon, mais j'étais pas protestant et je m'intéressais au protestantisme qui à l'époque paraissait quelque chose de tout à fait original. Évidemment, Bourdieu ne parle pas de l'islam, mais c'est intéressant de regarder ce qu'il en est de l'islam. Parce que, en revanche, les premiers spécialistes de l'islam français ne sont pas issus de cette religion. Que ce soit Rémi Levaux, Gilles Kepel, Pierre-Jean Luisard ou Olivier Roy. Mais ça change. Et je trouve que c'est intéressant parce que pourquoi ça change ? C'est tout simple. Parce que le système universitaire français en particulier commence à produire des diplômés universitaires qui s'intéressent à ces questions et qui viennent effectivement de l'islam ou qui ont cette origine culturelle. Et donc ce n'est pas mécanique, ce n'est pas obligatoire, mais ce parallèle m'en a suggéré un autre. Si on regarde le domaine de la sociologie électorale aux États-Unis, les premiers sociologues du vote aux États-Unis ne se sont pas beaucoup intéressés au vote des minorités. Qui s'est intéressé au vote des Noirs, au vote des Latinos, au vote des Asiatiques ? Évidemment, les élites universitaires noires, latinos, asiatiques, au fur et à mesure où elles ont été produites par le système universitaire américain. Donc il y a là, finalement, quelque chose qui... ne concerne pas forcément que la sociologie, c'est que la sociologie des religions, il y a une certaine logique à avoir un intérêt particulièrement développé sur les communautés où on se trouve inséré. Bon, et après tout, Bourdieu a lui-même écrit sur son intérêt, sur les classes sociales, qui avait sûrement des rapports avec son propre itinéraire de boursier et sa propre évolution. Donc, d'une certaine façon, ce qu'on pointe là pour la sociologie des religions, on ne la pointe pas forcément de la même façon pour les autres domaines de la sociologie. Ce qui, bon, moi, m'a amené un petit peu à réfléchir sur, effectivement, le traitement qui est réservé à cette sociologie-là par rapport aux autres. Alors après, évidemment, on partage totalement, en tout cas, je partage son appel à l'objectivation de ses appartenances, hein, qui est évidemment un préalable à une production sociologique de qualité. Est-ce que pour autant la religion est complètement à part dans cette affaire par rapport aux autres formes d'appartenance sociale ? Ça se discute et ça, en tous les cas, ça se débat. Lorsqu'on regarde, si on continue le petit papier, le beau papier de Bourdieu, il continue par la situation suivante, je continue par la citation suivante. Si le problème se pose avec une acuité particulière dans le cas de la religion, c'est que le champ religieux est, comme tous les champs, un univers de croyance, mais dans lequel il est question de croyance. Comme tous les champs, c'est un univers de croyance, mais dans lequel il est question de croyance. C'est ça qui créerait la spécificité du problème du rapport à l'objet en sociologie des religions par rapport aux autres domaines la sociologie. Je crois que ça amène à discuter aussi un certain nombre de choses. Il nous dit que tous les champs sont des univers de croyance, mais est-ce que seul le champ religieux est-ce que la religion, le champ religieux est le seul champ où il soit question de croyance ? Ça nous interroge sur qu'est-ce qu'on appelle la croyance par rapport à ça. Moi, je prendrais là encore un exemple en sociologie politique. La sociologie politique, elle étudie le socialisme, elle étudie le libéralisme, elle étudie le nationalisme. Il n'y a pas de vérité scientifique derrière tout ça. Le nationalisme, le libéralisme, le socialisme ne sont pas ni des planètes, ni des corps vivants. Ce sont bien des formes de croyances. Ce sont bien des formes de croyances et il n'y a pas toujours la même injonction à la prise de distance vis-à-vis de l'objet pour les collègues politistes sur ces questions qu'il y en a pour la religion, me semble-t-il. Je vais prendre un autre exemple. La sociologie du genre et les rapports sociaux de sexe. Cette sociologie, elle est directement issue du féminisme. Et elle s'en réclame, et elle a raison. C'est le féminisme qui a amené un certain nombre de collègues à réfléchir sur les questions de genre, sur les questions d'égalité, etc. Alors, le féminisme, c'est d'une certaine façon, même si on peut être très nombreux ici à la partager, et moi le premier, c'est une croyance. Pour autant, il n'y a pas une injonction aux collègues qui s'occupent de ces questions de prendre de distance vis-à-vis du féminisme et de réfléchir un peu avant. Au contraire, on se réjouit, et à mon avis, on a tout à fait raison, du fait que ses collègues ont trouvé dans le féminisme justement le ressort qui les a amenés, qui les a poussés à s'intéresser à ces questions. Donc, je tire de tout ça l'idée que peut-être que la religion comme objet n'est pas si particulier que ça, y compris quand on s'intéresse au domaine des croyances, parce qu'il y a des croyances quand même qui sont l'objet principal, et pas seulement un univers, l'objet principal de beaucoup de sous-disciplines de la sociologie. Derrière tout ça, il y a quand même un peu souvent un non-dit, qui est une question, est-ce qu'un sociologue de la religion peut faire de la bonne sociologie s'il appartient à une religion ? En fait, c'est ça qui est, en tous les cas en France, parfois, plus ou moins implicite, me semble-t-il, dans certains des propos sur cette question et des écrits sur ces questions. En occultant d'ailleurs le fait que professer l'athéisme peut également conduire à des biais, évidemment, en matière d'appréciation de sociologie des religions. Et d'ailleurs, Bourdieu le dit très bien par rapport au Parti communiste et à l'anticommunisme. Dans le même texte, il prend cet exemple-là. Je crois que la réponse qu'on donne en France n'est pas forcément la réponse qu'on donnerait dans d'autres pays et n'est pas indépendante d'un certain nombre d'analyses. Alors, je vais en résumer quelques-unes, mais j'en prendrai une d'abord dans le livre qui nous rassemble ici, que je trouve tout à fait intéressante. C'est le chapitre rédigé par Laetitia Orgozelec-Guinchard, qui montre combien nous sommes en France, je la cite, « héritiers d'une tradition ancienne qui, dans l'Europe catholique, oppose la rationalité scientifique et la croyance religieuse comme deux formes d'explication radicalement divergentes. » Et elle voit dans cette tradition une construction historique, et elle étudie l'Angleterre du XVIIe siècle, notamment l'œuvre du physicien et chimiste Robert Boyle, et elle nous décrit un tout autre modèle qui rejoint les travaux de Merton, quand il avance, en se réclamant de Weber, que l'expérimentation était, dans le domaine de la science, l'expression des penchants pratiques, actifs et méthodiques du puritain. Donc, plutôt que de considérer que le progrès scientifique ne peut se faire que contre la religion, elle montre qu'il s'est fait en partie en Angleterre et dans l'Europe protestante, grâce à la religion. C'est la vieille thèse, Weber, Merton, qu'elle illustre ici. En tous les cas, je crois que la façon de considérer le rapport à la religion en France est fondamentalement, dans ses rapports avec la science, fondamentalement différente de ce qu'on constate dans l'univers anglo-saxon. Ça, c'est clair. C'est clair et je pense que ça mérite une réflexion en tant que telle. Alors, évidemment, on connaît tous l'instrumentalisation de la sociologie des religions par les religions, que ça a été aux États-Unis ou en Europe, la fermeture aux non-catholiques de la Société internationale de sociologie des religions des années 50 aux années 70, et l'idée que la connaissance des phénomènes religieux devait être mise au service du prosélytisme, et même le joli terme inventé de sociologie pastorale. Tout ça sont des réalités et montrent bien combien les dérives ont pu être profondes dans le passé. Mais je crois que la sociologie des religions n'est pas la seule à avoir été ou à être instrumentalisée. En la matière, toute sociologie court plus ou moins ce risque, même si la sociologie des religions, dans le passé, il y a beaucoup cédé. Alors, après avoir dit que finalement, il n'y avait peut-être pas une spécificité si grande que ça de l'objet religion en sociologie, je vais dire qu'il y en a quand même une. Il y en a quand même une, me semble-t-il, parce que faire de la sociologie des religions, ça consiste à appliquer un raisonnement scientifique, à un ordre de la réalité dont les finalités ne peuvent pas être accessibles à l'observation. Et c'est la grande différence avec la sociologie politique dont je vous parlais tout à l'heure. Par exemple, en sociologie politique, on peut voir les effets pratiques du socialisme, du libéralisme, du féminisme dans les politiques publiques. Évidemment, en sociologie de la religion, on peut observer des croyances, on peut les mesurer, même, moi je suis quantitativiste par ailleurs, hein, donc on peut les mesurer, après tout, et, en revanche, quant à l'horizon ultime de cette affaire, évidemment, il n'est pas du domaine qui nous permet qui soit accessible à l'observation. Et donc, on peut trouver là, dans ce paradoxe, non pas un statut particulier de la sociologie, enfin des religions, par rapport aux autres objets, mais l'origine d'un constat. Ce qui m'a frappé en préparant l'introduction de cet ouvrage, c'est que beaucoup de sociologues qui se sont intéressés à la sociologie de la religion se sont intéressés à la sociologie des sciences et réciproquement. Et c'est vraiment frappant. Quand on regarde tout cela, il y a là, pour le coup, une spécificité. De Weber à Durkheim, Merton, Isambert et Segui, moins connus, mais deux spécialistes aussi de ces questions, Bruno Latour, last but not least, et d'une certaine façon, Pierre Bourdieu et Raymond Boudon. Il y a, dans tout cela, quand même quelque chose d'un peu original. Il y a un intérêt commun, et j'ai oublié Berger et Luckmann. Il y a toute une série, quand même, d'auteurs, de collègues qui, dans l'histoire, se sont saisis à la fois de la sociologie de la religion et de la sociologie des sciences. C'est peut-être lié à ce que je viens d'évoquer à l'instant, à savoir le fait que une des caractéristiques de la sociologie des religions, c'est que, et sa caractéristique, c'est qu'elle s'intéresse en dernière analyse à un objet dont les finalités sont impossibles en tant que telles à étudier d'un point de vue scientifique. Alors, il y a la position là-dessus de Peter Berger. La théorie sociologique doit, de par sa propre logique, considérer la religion comme une projection construction humaine, tout en continuant, dire que la religion est une projection humaine n'empêche pas logiquement la possibilité que les significations projetées puissent posséder un statut ultime indépendant de l'homme. D'ailleurs, vous savez que Peter Berger se définit publiquement comme lui-même comme un protestant luthérien. Il en arrive à la conclusion, il prend l'exemple des mathématiques, ce que je trouve intéressant. Il nous dit, finalement, qu'est-ce que les mathématiques, c'est quoi? Ce sont des constructions humaines, au même titre que doit être considérée la religion. De toute façon, on est en phase de construction. Ces constructions, mais jusqu'ici, personne n'a suggéré que, par conséquent, la science moderne doit être considérée comme une grande illusion. Science moderne reposant sur les mathématiques ne doit pas, parce que les mathématiques sont une construction humaine, être considérée comme une grande illusion. Et donc, on peut procéder de la même façon, nous dit-il, pour la religion, en nous proposant un impératif qu'on peut discuter, qui est l'impératif d'athéisme méthodologique. Alors, cette proposition, elle a été contestée. Elle est contestée, par exemple, par Guesdévy. Guesdévy considère que ce postulat méthodologique de neutralité de principe lui paraît obérer la compréhension des phénomènes religieux. Et plus loin encore, Albert Piet suggère à l'inverse de pratiquer un théisme méthodologique. Ce débat ne me semble pas central. Je veux dire que ça n'a pas vraiment de conséquences. On n'a pas besoin, me semble-t-il, quand on fait de la sociologie des religions, de s'intéresser à la question de savoir est-ce que tout ça est vrai ou est-ce que tout ça est faux. Encore une fois, pour moi, ça ne change pas une ligne à une démonstration. Ça ne change pas une ligne à une démonstration. La question n'est pas que ce soit vrai ou que ce soit faux, n'est pas que ce soit qu'il faille faire de l'athéisme même méthodologique ou du théisme même méthodologique. La question est que les gens y croient. La question est que les gens y croient et qu'ils ont des pratiques qui sont liées à ça. Et c'est ça qui nous intéresse, et c'est ça, enfin en tout cas moi c'est ça qui m'intéresse, et c'est ça qu'il convient d'étudier. Alors le livre, au-delà de ça, s'intéresse aussi plus globalement au rapport entre science et religion, dans toute une série de domaines, toujours sur cette question de frontières entre les deux domaines et d'incursion. Nicolas Ledévédec, par exemple, étudie le transhumanisme. Alors, ce mouvement, il se présente comme fondamentalement rationaliste, fondamentalement scientifique et strictement scientifique, mais ce que note Nicolas Ledévédec, c'est que pour autant, quand on regarde le discours, bien, le discours sur le transhumanisme, le discours du transhumanisme, est très teinté de religiosité. Très teinté de religiosité, que ce soit l'utilisation de schèmes issus du christianisme, pour l'essentiel, comme le péché originel, comme une vision eschatologique de l'histoire, comme l'idée de salut. On retrouve tout ça, de fait, dans ce qui est supposé être un univers purement rationaliste et scientifique. Le livre, évidemment, n'élude pas les formes d'intervention religieuse dans la science et leurs effets délétères. D'abord, du côté catholique, la possibilité de positionnement scientifique déterminé indépendamment de la religion a longtemps été niée par le Vatican. C'est ce que rappelle en particulier Elsa Déléage dans le livre, d'où les condamnations successives de Copernic et de l'héliocentrisme de Galilée et de Spinoza au XVIIe siècle, la condamnation par le syllabisme du rationalisme, la primauté de la raison sur la foi, la primauté de la philosophie sur la théologie et l'indépendance de la théologie, tout ça est condamné. Et le droit canon, Elsa Déléage est une juriste, exprime ses positionnements puisque le code de 1917, ne reconnaît pas la liberté scientifique. Les choses évoluent. Le code de droit canon de 1983 reconnaît cette liberté scientifique, mais il y a des formes de retour, de retour en arrière, une des plus connues étant le discours de Ratisbonne de Benoît XVI en 2006, donc pourtant bien avant un droit canon qui reconnaît la liberté scientifique, où le pape d'alors dénonce la scientificité, les méthodes des sciences, alors il désigne l'histoire, la psychologie des sciences exactes, exclut la question de Dieu et le fait apparaître comme une question non scientifique ou pré-scientifique, et condamne le fait que nous nous trouvons alors devant une réduction du rayon de la science et de la raison qu'il faut mettre en question. Mais il y a une évolution de fond, néanmoins, de l'Église catholique qu'il faut reconnaître, même si c'est toujours une science sous contrôle. Claire Reggio, dans le livre, étudie le recours que Jean-Paul II a fait à l'histoire dans la perspective du jubilé de l'an 2000. Bon, Jean-Paul II dit le jubilé de l'an 2000, c'est une occasion un peu d'examen de conscience, de repentance, non pas individuelle et collective, et pour ça, il faut utiliser l'histoire et que l'Église reconnaisse ses manquements historiques. Et donc, il propose un exercice qui a été appelé de purification de la mémoire, qui requiert l'aide des historiens et des théologiens. Donc il annonce dès le début de son pontificat la révision du procès de Galilée, et s'y ajouteront bientôt de l'histoire de l'évangélisation en Amérique, de l'antijudaïsme et de l'antisémitisme, l'Église catholique a beaucoup à se faire pardonner, de l'Inquisition et de la condamnation de Jean-Luc. Et il y aura même un symposium international sur l'Inquisition en 1998. Mais quand on regarde les résultats de ce symposium, c'est tout à fait intéressant. Certes, il condamne certaines des méthodes de l'Inquisition, mais il relativise aussi les conséquences de l'Inquisition avec une utilisation du quantitatif en disant finalement il y a des morts, mais il n'y en a pas tant que ça. Et puis chez les protestants aussi, on faisait des choses qui n'étaient pas bien. Donc il y a une forme de contextualisation qui est une relativisation et qui est donc un recours à l'histoire, même s'il est très contrôlé. Ludovic Bertina dans le livre montre un autre exemple de rencontre entre science et église catholique, le discours du Vatican sur la crise écologique. Le Vatican s'est très vite intéressé aux inquiétudes des scientifiques en matière écologique. Alors, il a une méfiance pour les solutions techniques, mais les papes sont intervenu beaucoup sur cette question, face aux réflexions autour de l'éthique environnementale. Mais là encore, c'est pour montrer, en quelque sorte, nous explique Ludovic Bertina, la pertinence de l'anthroposophisme chrétien. Donc c'est toujours une utilisation, d'une certaine façon, du discours scientifique. Et puis, alors, il y a des dérives aussi encore plus flagrantes. Gwendoline Malongfer l'illustre à propos de l'utilisation de l'anthropologie dans le débat sur le mariage pour tous. Alors, c'est d'abord né dans le catholicisme, mais elle en parlerait mieux que moi, et ensuite, les protestants luthéro-réformés ont utilisé cela tout à fait largement, en utilisant en fait un vocabulaire anthropologique, plus que, évidemment, l'anthropologie en tant que telle. Il y a aussi dans le livre, et je terminerai par là, une jolie étude de Judith Herman-Mefsen sur l'Éthiopie et sur les sciences et églises éthiopiennes au moment du VIH. Ce qu'elle montre, c'est qu'au début, dans les années 90, évidemment, il n'y avait pas de traitement du VIH, donc on recourait en Éthiopie pour se protéger, pour se soigner, entre guillemets, à l'eau bénite, qui était la seule solution à laquelle on pouvait recourir alors, très bien. Puis arrivent les années 2000 et l'introduction des traitements antirétroviraux. Le problème, c'est que y a une objection, c'est qu'on ne peut pas à la fois utiliser des traitements antirétroviraux et l'eau bénite. Il y a incompatibilité, d'abord parce que ce serait mettre en contact le sacré et le profane, et donc il n'y a pas question de mettre en contact le sacré et le profane, et ensuite parce que le recours à l'eau bénite, c'est une pratique individuelle, donc un rituel d'expiation qui peut se traduire par un miracle, la guérison, mais que la combiner avec des pratiques biomédicales, comme les traitements antirétroviraux, eh bien, ça représente une forme de manque de confiance en Dieu, et donc ce n'est pas possible. Et donc, à l'époque, il y a tout un débat, mais un débat qui divise même l'Église éthiopienne, et fort heureusement, la hiérarchie éthiopienne a expliqué et a imposé que c'était tout à fait compatible, qu'il fallait essayer de jouer sur les horaires, mais que c'était parfaitement possible, y compris pour les jeunes d'un côté et l'alimentation régulière de l'autre, et que on pouvait parfaitement combiner les deux pratiques sans inconvénients religieux majeurs. Donc, vous voyez, toute une série d'études qui explorent l'existence d'un chemin entre, d'un côté, des croyances religieuses dont certaines nient la science, et de l'autre côté, certains discours scientifiques qui nient la religion. Et donc, c'était un peu ça qui avait rassemblé notre affaire. Il y a finalement deux pentes récurrentes dans l'histoire, comme on l'a vu. Hein. Et entre ces deux pentes, le pari, c'est qu'il peut exister une ligne de crête qui laisse la science se déployer, évidemment, en toute liberté, avec son discours rationnel, quel que soit les sens multiples de rationnel, et qui laisse libre l'exercice de la religion pour ceux qui veulent s'y adonner. Donc, tout en permettant à la sociologie des religions d'analyser de manière scientifique son objet, bref, d'étudier de manière rationnelle un ordre de la réalité sociale dont les finalités ne le sont pas.